C'est tambour madinina. C'est tambour madinina. C'est tambour carriquera. C'est tambour carriquera. C'est tambour à Guyana. C'est tambour à Guyana. Kalaka sonne pour faire nous chanter. Kalaka kwanye pour faire nous danser. Aïe amuna. A écouter tambour là. Madinina.